السلام عليكم لاباس كلشي بخير مزيان مزيان. J'emprunte les petites ruelles de la Médina. Je demande si on connaît un bon hôtel, on me dit non. Mais derrière moi, y'a Hamed qui m'a écouté. Il me dit viens, je t'emmène, j'en connais un bien à côté. J'arrive sur place, tout est fluide, je m'installe à l'hôtel. Je prends un dortoir, c'est moins cher et je passerai moins temps hôtel. Je monte sur le toit, je me mets un petit ragamuffin. Vu imprenable, la fin arrive, sors manger un tagine. Puis petite balade pour digérer au bord de la mer. Et sur le retour, je recroise mon pote Hamed. On se met à discuter et il me tend un spliff. Tu veux goûter? C'est du bon kiff. Je lui explique ça fait longtemps que je n'ai pas fumé. Mais je ne peux pas refuser cette odeur parfumée. On rigole, on boit un thé, à demain, Inch'Allah. Je monte dans ma chambre et là je me dis ouais je suis trop faillard. Et je me répète dans ma tête, t'inquiète ça ira. Et je me répète dans ma tête, t'inquiète ça ira. T'inquiète ça ira, t'inquiète ça ira. Tout va bien, vas-y profite des Aïssaouira. Musique à fond dans les écouteurs. Je fly. Y'a l'instru qui tourne depuis des heures. Je suis high. Et tant pis si je m'endors tard. Je fly. Trop fire dans le dortoir. Je suis high. En train d'écrire ce texte, ça vient tout seul, c'est la classe. Je suis high comme le Mantouka dans la slice. Posé sur la terrasse, c'est le sunset que j'attends. La nuit, la magie prend place, descend au souk, c'est le ramadan. L'ambiance est trop bonne ici, franchement, tout le monde est pisse. Je négocie comme personne pour acheter 2-3 épices. Je m'assois avec Toufik, ses bijoux sont magnifiques. J'en ai pris pour ma mère et ma belle, mais il veut que j'en prenne pour toute ma clique. Les odeurs, les goûts, les bruits me semblent amplifiés. Je vois tellement de pâtisseries, je ne peux pas les quantifier. De l'huile d'argan, des amandes, du miel, on appelle ça la mou. Quand je goûte ça, je suis au 7ème ciel comme un gros gourmand, je l'avoue. Je me sens mieux avec ça dans le ventre, je suis sûr que ça m'aide à redescendre, mais quand je rentre, je recroise Hamed. Ouais, quand je rentre, je recroise Hamed. Musique à fond dans les écouteurs. Je fly. Y'a l'instru qui tourne depuis des heures. Je suis high.